cousine, viens là, je veux te causer. Tu cherches un gars comme moi pour te poser. J'ai quelque chose à te proposer. Je vais déjà te lire mon CV. Clean, rien à signaler. Sur ma vie, je ne veux pas m'étaler. Si tu veux voir tout mon talent, vas-y bébé, laisse-toi aller lentement. Cindy.